Et dans le club cet après-midi, on parle de la recherche sur les gènes de l'autisme, le jour où il n'y aura plus de vin et l'épopée du canal de Suez. Et vous nous rejoignez déjà avec vos messages et toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. On commence avec vous, Aline Richard, journaliste pour The Conversation France et Thomas Bourgeron. Vous êtes généticien et chercheur à l'Institut Pasteur et vous avez écrit un article intitulé « À la recherche des gènes de l'autisme ». Aline, article qui arrive d'ailleurs à l'occasion donc de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, ce sera lundi en l'occurrence. Oui, tout à fait, hein. C'est une initiative de l'ONU. C'est une maladie qui est mondiale, hein, mm-hmm. Dont on connaît globalement la prévalence. La situation française est assez particulière et pas forcément dans un bon sens, c'est-à-dire que on sait bien qu'il y a tout un, on a beaucoup de retard nous dans notre pays pour l'accompagnement, en tout cas l'accompagnement des personnes touchées par les autismes. Hein, je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec Thomas parce qu'il existe effectivement des autismes et les médias, faut bien le dire, ont tendance à se focaliser sur ce qu'on appelle les autismes savants, Asperger, etc. Mmh. En oubliant un peu vite qu'il y a malheureusement des familles qui sont extrêmement touchées, extrêmement abîmées par des autismes qui sont graves, qui s'accompagnent de retards intellectuels. Donc nous, à Conversation, on souhaite défendre ce dossier, défendre aussi quelque chose qui est important, c'est l'autisme au féminin, qui est d'ailleurs l'ONU fait un focus dessus là pour cette journée internationale. On a eu aussi un peu en France tendance à considérer que c'était une affaire de garçons, de jeunes garçons. En fait, non. Il y a un autisme au féminin et qui demande, qui demande une prise en compte très particulière. Thomas Bourgeron, alors justement dans l'article de The Conversation, vous prenez l'exemple de deux personnes atteintes, chacune précisément par deux formes d'autisme assez différentes. Donc l'autisme, pour définir l'autisme, donc c'est des problèmes d'interaction sociale. Ça c'est le premier critère. Communication sociale. Et le deuxième critère, c'est des intérêts restreints, répétitifs, des stéréotypies. Donc ça, c'est les deux critères. Et on n'a que ces deux critères, en fait, qui sont des critères comportementaux pour définir si une personne est autiste ou pas. Alors évidemment, c'est un spectre extrêmement variable entre des personnes qui ont en plus, donc il y a des comorbidités à l'autisme importantes, la déficience intellectuelle, c'est à peu près un tiers des personnes avec autisme, l'épilepsie. Donc là, on peut parler de maladie. Pour dans l'autre partie du spectre, qui est donc ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, qui effectivement est plus souvent à la radio et sur TF1 et sur Hollywood, je dirais que là, pour les syndromes d'Asperger, je parlerai pas de maladie, d'accord. Donc c'est vraiment un point important. L'autisme, c'est cette définition des problèmes d'interaction sociale, des stéréotypies. Par contre, c'est vrai que pour beaucoup de personnes, il y a des comorbidités comme la déficience intellectuelle, où là, il faut vraiment qu'on ait une connaissance de ce qui se passe pour avoir des prises en charge adaptées. Donc en l'occurrence, il y a Gabin qui a 15 ans dans l'article, qui présente une déficience intellectuelle très sévère, et puis Joseph Chovanec, qu'on avait reçu d'ailleurs dans l'émission, qui est docteur en philosophie, qui voyage beaucoup, qui parle plusieurs langues, qui écrit énormément aussi sur ce qu'il fait et sur son syndrome. Voilà, donc et ces deux personnes sont diagnostiquées avec autisme. Donc et au niveau génétique, on va voir, c'est un peu fractal, c'est-à-dire que la complexité se retrouve au niveau génétique, avec des formes très monogéniques, où un seul gène va être en cause. Donc ça, c'est surtout ce que l'on voit d'ailleurs chez les personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Et donc là, les résultats sont assez extraordinaires depuis. Il n'y a que en France qu'on pense qu'il n'y a pas de gène impliqué dans l'autisme encore. Donc merci de m'avoir invité. Pourquoi c'est presque un tabou d'en parler ici chez nous? C'est incroyable. Parce qu'il y a des questions en ce sens. Tiens, je vous donne le là, mail. Vous avez deux heures de. Écoutez, je vous donne le message de Marjorie parce qu'il est intéressant. Il dit: je ne comprends pas comment on peut affirmer l'origine génétique de l'autisme quand on fait des études de biologie génétique et de psychologie et qu'on a pris la mesure de la complexité de chaque être humain, mais aussi des mécanismes génétiques en jeu. Je me demande comment on peut en déduire ou en réduire un état tel que l'autisme avec toutes ses variantes à une affaire de génétique. Alors là où je suis d'accord, c'est que de dire le gène de l'autisme, c'est complètement c'est dingue. Enfin, mais c'est comme dire le gène du cancer ou le gène d'une maladie. Ce gène-là n'a jamais rien à voir avec cette maladie. Il a une fonction biologique. Donc les gènes qu'on a identifiés, qui sont mutés, donc tout le monde, c'est clair, c'est vraiment important de le savoir, tout le monde a ces gènes de l'autisme. Ouais. D'accord. Par contre, il y a des séquences différentes selon les individus. Et puis chez certains individus, ce gène, par exemple, est cassé ou n'existe plus. Mm-hmm. Et là, ces gènes, on a montré qu'ils avaient des rôles importants dans l'établissement des connexions entre les neurones, les synapses. Donc il peut y avoir trop de synapses, trop de connexions ou pas assez de connexions. Des fois, ça peut être différent d'une région à l'autre. Mais c'est comme un interrupteur, finalement. On est tous porteurs de ces gènes, mais c'est sur on ou sur off, voilà. Selon les individus, on pourrait... Là, on est en train de parler ensemble. C'est obligatoire que les gènes contribuent au fait qu'on parle. Je veux dire, on n'aurait pas de tête, on ne pourrait pas parler, d'accord ? Ce qui est important, c'est quelle est la variation entre vous et moi. Visiblement, on a un patrimoine génétique qui fait qu'on peut parler. Certaines personnes sont mutées, ont des problèmes de déficience intellectuelle, d'apprentissage, et certains ne parlent pas. Mm-hmm. Donc, de dire que... Mais ces gènes ne sont pas là uniquement pour le langage, vous comprenez ? Donc, on trouve des mutations chez des personnes avec autisme, en particulier dans les personnes avec déficience intellectuelle. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle, où là, on pense que la contribution génétique est très importante aussi, mais beaucoup plus diluée. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de gènes, mmh, avec des petites variations chacune sur un gène, et qui va contribuer de façon additive au risque de la personne à être autiste. Mmh. Aline Richard. Oui, alors, le fait qu'il y ait effectivement ces autismes-là, qui sont, alors c'est quand même tout à fait important de souligner que pour vous, il y a des malades et puis des bien portants. Alors, ça pose de redoutables questions concernant les traitements, hein, parce que si on veut aider les autistes, il faut leur proposer des traitements. Et comment faire pour proposer des traitements alors que c'est un spectre très large, finalement. Et des fois, donc, il faut pas traiter puisque c'est pas une maladie. Tout à fait. Donc, prenons déjà cette partie-là. Donc, déjà, il y a effectivement, l'Europe nous a condamné 5 fois la France pour la prise en charge des personnes avec autisme qui ne vont pas à l'école, beaucoup moins en tout cas que dans d'autres pays. Et je ne parle pas uniquement de la Suède et de la Finlande, hein, je parle de l'Italie, de l'Espagne, on est moins bon. Donc là, c'est un vrai scandale, et là, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. J'espère que le 4e plan autisme fera des choses. Après, il y a toute une partie du groupe autisme qui a besoin de prise en charge médicale, qui ont des sciences intellectuelles, de l'épilepsie. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une recherche, qui est vraiment une recherche médicale, de trouver des traitements qui soient vraiment adaptés à chaque personne. Voilà. Mais c'est pour ça que c'est important, ouais, d'avoir cet aspect de ces deux personnes. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Gabin, l'exemple de, ouais, Joseph, parce que souvent on confond les deux. Et donc, dans mon groupe, à l'Institut Pasteur, les chercheurs merveilleux qui travaillent avec moi travaillent sur les deux, ouais, aspects du spectre. Alors, justement, sur les pistes thérapeutiques, si on se projette un petit peu, parce que c'est toujours très compliqué entre la recherche fondamentale, le travail même que vous menez sur des souris, hein, parce que concrètement, vous travaillez aussi sur des animaux. Tout à fait. Et puis ensuite, un jour, peut-être des traitements, c'est quoi ? Ce serait des thérapies géniques, précisément, qui pourraient aider les autistes, pense pas, ou pas ? Alors, pourquoi identifier des gènes appliqués dans l'autisme ? Je dis toujours, c'est pour trouver le meilleur environnement. Pourquoi ? D'avoir identifié ces premiers gènes, ça nous a permis de comprendre un peu les causes, ou en tout cas certaines causes qui pouvaient être en lieu pour l'autisme, en particulier donc ces synapses qui étaient plus... Donc on a fait des modèles animaux, on s'est rendu compte que quand on mutait ces gènes aussi chez la souris, elle avait des problèmes d'interaction sociale. Donc quand vous rendiez la souris autiste, en fait. Exactement. C'est ça, hein. Loin de moi de penser qu'une souris va être autiste, mais par contre, ces gènes qui sont impliqués dans l'autisme, ils sont aussi présents chez la souris. Donc on voulait savoir pourquoi ces gènes étaient là, et quand on les supprime, un peu ce qui se passe chez les personnes avec autisme, qu'est-ce que ça fait ? Et effectivement, on a été surpris de voir que les souris avaient des problèmes d'interaction sociale, et quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais les souris chantent, je sais que vous savez que les souris chantent, mais elles chantent dans l'ultrason, et on s'est rendu compte que ces souris chantaient moins et chantaient différemment. Mmh. Donc vous voyez que, alors on ne sait toujours pas si le chant des souris est vraiment une communication, on est très scientifique, et la personne qui s'appelle Elodie Hay dans le laboratoire qui écoutait les babouins vocalisés il y a 10 ans, maintenant travaille sur le chant des souris. On ne sait toujours pas si c'est de la communication. Mais vous voyez que cette connaissance de plus en plus précise maintenant des mécanismes qui donnent un autisme vont nous permettre effectivement de trouver des prises en charge adaptées. Alors ces prises en charge adaptées, c'est clairement pas la thérapie génique actuellement. Mmh. Le cerveau est vraiment, c'est extrêmement difficile. Par contre, il y a de mieux connaître les régions du cerveau qui sont activées dans le cerveau social, va nous permettre de trouver peut-être des prises en charge, que ce soit comportementales ou des prises en charge pharmacologiques pour aider. Thomas Bourgeron, une question d'Estelle sur Twitter. J'ai entendu dire, écrit-elle, et vu certaines recherches allant dans le sens qu'une mère porteuse d'une maladie de Lyme entraînait des risques pour son bébé de développer un autisme. Où en est la recherche aujourd'hui autour de cela? Ça, en tout cas, rien n'a été vraiment très clair sur cette association. Je ne pourrais pas vous répondre, il faudrait que je fasse plus de biblio sur cet aspect-là. Vous employez le terme de neurodiversité dans l'article. C'est quoi exactement? Oui, c'est pour exprimer quoi? De nouveau, je pense que, et en particulier, c'est un des problèmes que l'on a peut-être en France, c'est que on pense qu'il y a un Français, un génome, un cerveau. Je pense qu'on est divers et d'accepter cette diversité pour beaucoup de choses. Et pour le cerveau, on a du mal à accepter cette diversité. Et on a encore plus de mal d'imaginer que cette diversité soit génétique parce que les gènes sont vus comme des choses vraiment qui suppriment tout le libre arbitre. Donc je pense que, un ami à moi disait que quand on est généticien, on est de droite. Quand on est travaille sur l'environnement, on est de gauche. En France, on est un peu comme ça. C'est-à-dire que si c'est génétique, c'est foutu. Regarde, on ne peut plus rien faire. Alors c'est que c'est faux, c'est faux. Les c'est choses ne sont pas déterminées. Et c'est extraordinaire qu'on soit divers au niveau génétique. Merci beaucoup, Thomas Bourgeon. On peut lire donc cet article sur theconversation.com. Et puis donc, lundi, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Nous partons dans les vignes.